l'heure de Silo Hind à Brezonek. C'est l'heure de retrouver Hind à Brezonek. On se retrouve pour l'émission Hent ar brezhoneg avec Penaos Makwanderi. Neus ket a glem. Velgiz a kustum. Eri, c'est une émission un peu spéciale aujourd'hui. Oui. Parce que c'est la 500e. Oui, Pemkan. Pemkan. Oui. Chiffre rond. Henri, ça fait combien de temps qu'existe l'émission Hent ar brezhoneg? Ça fait 12 ans. En 2004, au printemps 2004, hein, on avait commencé avec Josette Duvivier. On avait réfléchi un petit peu avant à la structure de l'émission, quoi. On avait même fait une émission zéro. Génial, ouais. Comme des pros, quoi. Voilà. Et puis, voilà, on avait démarré là-dessus, quoi. Bon. Et depuis le départ, c'est en trois parties. On avait choisi la musique, des intermèdes, la musique qui est immuable. Et on était allé à Bois-de-Colle enregistrer les Frères Morvan pour annoncer l'émission. D'accord. Bah, écoute, Henri, justement, moi, je crois bien que... Je bouge un peu. Mais je crois bien que Josette est là. Ah. Ah, c'est la surprise. C'est la surprise. Bonjour, Henri. Bonjour, Josette. Tu vas bien? Oui, très bien. Eh bien, Josette, tu vas t'installer avec nous. Avec plaisir. Et je pourrais même te laisser la parole, presque. Hein. Ah oui, oui. Ah, un casque et un micro pour Josette. Josette, tu sais quoi, on va réécouter quelques petites interventions que tu as faites ici à la radio, parce que vous enregistrez toujours ici. Oui, oui, c'est vrai que j'ai été la première à visiter l'église de Zantolac. D'accord. Allez, on écoute. Première partie, Gerriwer Vuey. Première partie, comment dit-on, première partie en breton? Lodjantan. Alors, Lodjantan et Gerriwer Vuey. Lodjantan, Gerriwer Vuey. Bien. Yeah. Voilà. Et Josette disait, d'ailleurs, elle présentait l'émission d'une manière assez incroyable, parce qu'elle disait... Bonjour à tous, salut Tundut, c'est l'heure de votre émission préférée, Hent ar brezhoneg. C'était pas mal, ça. N'est-ce pas? C'était vrai aussi. Oui, oui. Alors, Josette, je crois qu'elle a participé à quasiment à plus de 80 émissions. Plus de 80, oui. Oui, je commençais à bien connaître tout le monde. Là. Tout le monde, et puis à faire des progrès en breton. Faire des progrès en breton aussi, oui, à apprendre beaucoup de mots, beaucoup d'accord. De nouveaux mots, oui. Oui, oui. Alors, on a abordé très rapidement, Henri, la structure de l'émission, trois parties, mais je crois que c'était très intéressant de faire comme ça, et comme c'était bien, c'est resté comme ça. Oui, oui. Parce que il y a beaucoup de parties dans cette émission qui sont accessibles au nombre tonnant. Oui, c'est ça. Mais oui, les bretonnants, ils écoutent quand même. C'était le principe, c'était d'avoir un crescendo, en fait. Une partie pour tout le monde, hein, puisque c'est en français l'explication d'un mot. Une partie un peu plus corsée après, qui se passait à Zantolac, hein, régulièrement. Ça variait un peu depuis. Zantolac que certains ont cherché sur la carte. Alors ça, faut qu'on explique quand même à ceux qui nous écouteraient pour la première fois. C'est que tout se passe dans le dialogue, dans une commune imaginaire. Voilà. Et rêver, oui. C'est une utopie, pratiquement. Et le nom de Zantolac, ça vient du carrefour entre l'Henri XX, Trémargat et Pumrit, qui s'appelle Croissant Zantolac. Voilà. Et donc, à Zantolac, tout le monde parle breton, même les Anglais. C'est excellent. C'est extraordinaire. Et il y a quelque chose qui est assez étonnant, c'est qu'à Zantolac, il y a exactement les mêmes associations qu'ailleurs. Ah oui. Ça pourrait presque être une commune existante. Oui, Bleugnou-Zantolac, il y a l'association des boulistes, il y a... Club Arégos, voilà. Pligat-Duracarante, pardon. Ouais. C'est pas Arégos. Voilà, Pligat-Duracarante, oui. Voilà, il y a une école, ils font les mêmes choses que... Voilà. Tout le monde ailleurs. Voilà. Bon. Il y a d'autres personnes qui ont participé à l'émission. Il y a notamment Anne Le Brigand qu'on va écouter. Et Anne, elle a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émissions. Je vous laisse l'écouter un tout petit peu. Vous êtes bien sur RKB avec Anne et Henri pour Hent ar brezhoneg. Comme d'habitude, on commence par Gerriwer Vuey, l'émission 428. Quel mot on voit aujourd'hui, Henri? Voilà. Et Anne, malheureusement, elle n'est pas avec nous aujourd'hui. Non. Parce que Anne, elle est agricultrice et que c'est l'agnolage. Donc elle peut pas quitter sa bergerie, m'a-t-elle dit, mais elle est vraiment au regret de pas être là aujourd'hui. Il y a plein de gens, Henri, qui ont participé aussi à l'émission dans le cadre de la deuxième partie, justement tout ce qui se passe à Zantolac, les petits dialogues. Oui. Il y a par exemple, allez, on va peut-être aller le chercher et on va l'écouter avant. celui-là. Salut Job, ma de jeu. Ma trille, figue, ma trille. La retinte à Job. Clève mesure béné vaisseau barcon à Bob. Gand bugali à school. Ya, pédom velbé plat. Révras gandine, agurévien gand de loin. Pétain en compte. Il est impressionné. À côté d'Eric. Il y a d'autres gens qui ont participé au dialogue. Allez, on va l'écouter. Et puis, c'est assez rigolo, d'ailleurs, parce que Henri, t'aimes bien quand il y avait des bretonnants à la radio qui passaient par là. Oui, oui. T'aimais bien attraper un ou deux bretonnants pour Changer les voix. Oui, on les embauchait spontanément. Alors, ce que j'ai pas dit aussi, c'est que j'ai fait pas mal d'émissions avec Christian. Bah oui, mais on va l'entendre. On va l'entendre aussi, pas. Oui. On va l'entendre aussi. Non, il y en a qui peuvent pas être avec nous, qui s'excusent, mais il y a notamment celle-là, je sais pas si tu vas la reconnaître. Peloz-moi con, Iwan. Matri, Gwenola. Abra, Wenam, ça va, oui. La dit, Iwan. Trimine, ma, de pam, bacha, pelkirizel. Ya, pardon, zanern, wan, DL, velbe, pla, zultien, tamisme. Petez, obegev, ye, pardon. Voilà. Ouais. Et puis, Gwenola, donc Gwenola Koik. Oui, oui. Voilà. Et puis, il y en a une autre qui a participé une seule fois, mais ben voilà, on l'a enregistrée, hein, tant pis pour elle. Salut, Dotroumer. Ma, je ganar. De ce que de glem, Chanik. La redine ta Pierre Maille. Sabine. Néwesso et Végrid Réna Bendut Bazantolok. Ya. Quelle mémoire auditive, ouais, ouais. Henri. T'as reconnu Sabine Kerguette tout de suite. Sabine Kerguette, oui. Voilà. Ouais, ouais. Il y a aussi Marie-Laure Groix, à qui on va demander de nous rejoindre. Alors ça, c'est rigolo parce que Marie-Laure jouait Chanik, mais Henri lui dit bonjour Ific. Salut, Job. Pénos marbe, Gonor. Matri, Chanik, ah oui. C'est après. Madié, mais Job, mais la retine ta. Et avec Clément Orbené, vaisseau, bacan arbo, blandus colidi. Ya, Ific. NDL, ouah, quand arbo, bah ça, alors, oui, ça, c'est rien. Bugan les antoles, de scande, ouah, le ren, déjà, leurs obètes. Après ça, quand arbo, nous, pas scande. Dis ou grand arbo, même scande, de djantan or vates vian, or grand arbo, un bit scrive, de grand philomena cadoré. Ah, ouah, l'air, on tombe dans spleen, ouah, ton in garnison, zohana, ven ma, bavro. Ben oui. Marie-Laure a participé aussi de temps en temps, Henri. Oui, et puis en plus, avec Marie-Laure, on fait une version bretonne de Guerrioire Vuée. C'est vrai, et ça on peut en parler, parce que Guerrioire Vuée avec Marie-Laure, c'est 100% en breton ça. 100% en breton, oui. Alors vous touchez quel public plutôt, Marie-Laure et vous alors? Plutôt les ceux qui sont un peu meilleurs en breton et qui peuvent tout écouter en breton? Oui, puis je pense qu'on... Alors, est-ce qu'on m'entend? Et je pense qu'on dit un peu plus de choses en breton qu'en français parfois, parce que... Oui, bah, peut-être un peu, hein. La base est la même, mais tu sais comment ça marche, hein, Guerrioire Vuée, c'est pareil. Il y a des choses qui apparaissent dans l'émission qui sont pas prévues, puis. Mais ça, c'est vrai. Ouais. Parce que, il y a des gens qui me demandent, mais qu'est-ce que tu fais dans Guerrioire Vuée, toi? Alors, je dis, bah, rien. Je pose des questions, mais tu prépares? Rien du tout. Je prépare absolument rien, c'est Henri qui fait tout le travail. Et moi, assez spontanément, je peux poser des questions très naïves, mais néanmoins auxquelles il n'est pas facile de répondre, et auxquelles Henri répond tout le temps. C'est ça. Oui, qui est moi formidable. Je te pose des questions aussi. Oh ouais, un petit peu, pas beaucoup quand même, Henri. Hein. Non, tu me mets pas trop en boîte. De temps en temps. Alors, on a parlé de Christian Rivoilen qui a aussi participé à l'émission, ouais. Et Christian, il a participé d'ailleurs au tout début où Josette n'était pas là. On l'écoute. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour cette émission Entarbrezonek. Alors, bienvenue Henri, et les plus perspicaces d'entre vous auront sans doute remarqué que la voix qui vous parle n'est pas celle de Josette. C'est l'humour de Christian, qui n'est pas avec nous aujourd'hui parce qu'il est en vacances, mais j'imagine qu'il aurait été très heureux d'être là. Henri, on va peut-être écouter une autre voix qui était avec nous. En général, c'était au moment du premier de l'an pour les vœux des maires. Ah oui. Oui, oui, oui. Et comme chaque année, les vœux du maire. Alors cette année, le maire a changé. C'est une mairesse, hein, Maïk Herméné. Et donc, on va l'écouter. Tout zanto, le ma mignonne, calz obligea d'urmeus au tigemerona, bantiker. Et vide l'ardeur, blavesmat, ya, blavesmat, la rondeur toute, tu te sens tôlec, taïgos, aux ochom, on me pelzo, adré, zo neve des rues de Babarus. Voilà. Et là aussi, oui, oui, oui, et Henri, comme c'est toi qui écris tous les dialogues. Oui, oui, oui, oui, c'est Micheline Blouin, donc, du Roqueux, à Pommerite, qui joue le rôle de la mairesse, en fait. Je pense qu'on dit une mairesse. Pascal Zantolek, c'est une mairesse. C'est une mairesse. Ça ne change pas. Ça a changé, hein, mais. Non, non, ça n'a pas changé aux dernières élections, c'est toujours elle. D'accord. Ouais, ouais. Il y a d'autres gens qui ont participé. Alors moi, je me suis enregistrée aussi où je dis des bêtises, où je me trompe. C'est assez rigolo. Je vais vous faire écouter ça parce que c'est plutôt pas mal. Je crois que c'est ma toute première participation à l'émission. C'était l'émission 84. On est à 500, ouais. La 500e émission d'Enter Brezhonek aujourd'hui. Je sais pas si j'ai fait un peu de progrès depuis, mais là, c'était quand même laborieux. Bonjour, bienvenue à tous. C'est Enter Brezhonek qui débute. Vous n'entendez malheureusement pas la voix de Josette, qui est souffrante. J'ai donc pris sa place de manière très provisoire. Mais par contre, Henri est toujours à nos côtés. Bonjour, Henri. Bonjour, Morgane. Il va falloir prendre l'habitude un peu. Oui, oui, il va falloir prendre l'habitude. Ouais. Ben, oui. Enter Brezhonek, c'est l'émission d'initiation à la langue bretonne. Une émission divisée en trois parties. Première partie, donc, c'est la leçon. Non, c'est pas la leçon. Non, je dis n'importe quoi. Voilà, j'avais beaucoup de mal à me familiariser avec l'environnement de l'émission. Et je disais pas mal de bêtises. Je sais pas si Jan Behr est arrivé, parce que Jan Behr Guyader a aussi participé à l'émission à plusieurs reprises. On va l'attendre un petit peu. Par contre, Henri, il y a quelque chose qu'on voulait faire réécouter aux auditeurs, et puis on était d'un commun accord, parce que je dois dire que le reste est une surprise, tu ne savais pas qu'il y avait tout ce monde-là autour de la table. Ben. C'est Fañch Penkwat. Alors Fañch Penkwat, oui. C'est le gars qui tient le bistrot à Zantolek, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Et alors on va raconter quand même qu'il y avait un stage de la formation Roudour à Trémargat. Et on s'était dit, on va aller voir les stagiaires, enfin Henri s'était dit, on va aller voir les stagiaires de Roudour et leurs profs et enregistrer un dialogue avec eux. Ouais, ouais. Et Henri, c'est parti, là il n'y a pas eu de partie écrite ou rien si, du si, tout. Si, il y avait un canevas écrit, mais ça a dérapé très rapidement vers autre chose. C'est-à-dire, mon interlocuteur répondait pas du tout ce qui était prévu sur son papier. Voilà. Et ça, c'était génial, quoi. Il lisait pas son papier. Et pour ceux qui se demandent de quoi on parle, eh bien, on parlait de la nouvelle interdiction de fumer dans les bars. Et comme c'était le gars qui tenait le bistrot, il réagissait comme ça. Bon, ben, montré, hein, ben, hudium, ben, Zantolek, hein. Oh, bras ou énormes, hein. Oh, vraiment, il y a un nom que quoi le Velchine, mais bras énormes, un peu des bras, hein. Hein, des bénéfines, chômera 12 énormes, hein. Bon, sais-tu, homme, vel, homme, blasse, hein, direct, on va me plus dire, on va hostelier, il fange, pète quoi, hein. Un vel, homme, un ticket, un tuel, leur blasse, hein. Ah, quoi, le notre mère, c'est Pierre Maïguil, cher. Ah, y'a, et son mère, voisin. Hein. Y'a, mais. Un masse de benne végel ne vaut que tine, hein, mais. Zé vos gueules ou à l'air, vos tadégo, hein. Mais maison ne se l'arne, j'ai que tine, hein. L'arne, j'onge de l'usque de place. Ya. Ouel vaut, ya, oh, gueule, rentre-tu de voir place, hein. Oh, ya, mon dingue. Bonne, ah, en maison, Fañch Penkwat, zo gani, maman. Bonne, m'a des jeux, Fañch. Ma trée, ya. Ya, bonne, pétrezonné, bah. Pétrezonné, mais bonne santoré. Mais, elanke l'arne, dans deux, d'après, à Glevan, dit gana réel, même stra, elanke compte à tout. Ah bah, Bob Sortro, ouais, de ce que droit te vu-tu, notre banostalier, Ritine. Ah non, triste, mais l'ardette. Aïe. Aïe, me collé dans Bernard. Aïe. Alors évidemment, c'est un petit peu plus décousu que d'habitude, parce que c'est une conversation à bâton rompu, alors il y a des redites, des hésitations, hein, c'est une conversation de bistrot, hein, hein, finalement. Responde. Aïe. Un dit dans le tien. Ah non, triste, il y a poêlé au Bernard Manac. Ah bah. Mais Petari. Ah, dis-moi les. Dis-moi trop. Très mélodé les. Bonne. Mon d'or est de zone, Bopet. La zone. De zone, il y a. Oui, de zone. Aïe. Il avait juste, il avait oublié qu'il était sur. Il avait juste un homme, il rentre croisière. C'est artigé, il rentre croisière. Ah bon, mais bon, très n'a. Mais il y a de zone, il y a un homme, mais. Puis Véka, bon, pas quoi le bel, hein. Ben drôle, homme. Puis dur. Goudoré de Zantolek, ma treize musclarisée Zantolek, zotré la rue, n'a plus rude à très mal. Quand je dis une de mes classes que Wargarten, mais n'est que pour encore Wargarten, hein. Ka nanke de gomz de ze nanke gomz de ze vota de gou cantonal puis dur houlan que l'arbre a pé sa cantonnement non c'est poule derrien à blav bah ya poule derrien zo ban tuel d'or blav ya ka en jirel zo ban tuel d'or blav c'est poule derrien bon pète po moren o bon chips au bar pète parce que clair bon chips ah ya au bar gis ya ah bah mi mouar au bar gis ya aga ya ya Bonne moyenne sur le grade au bargiste. Ya, dégassez vos dors. Bonne gisement, dé. Ah, on mange schiste ton de sti Hender din, zo gwella schis vekaero. Ah, bah très, gis get grandal. C'est tu. A grandal ou de. Ya, grandal ou de zevro. Ya. Ah, bonne matrée. Bonne matrée, on a mis au bientude, hein. As-tu dit au mon gars, au basanto, le gars. Ya. A dermat vekal zedut, ba nostalir, ils disent. Ya ali savoir ya yowang re zo di labour en bernaneo ya ah ben guire hudion gwenard de nonze zo cause c'est assez tuperag ya de gwenard de nonze ya ya don areon distu vers l'air au labour pe pe areon na et d'arriver da bacabane en moi ya a di où est ça de On avait joué rencontreur l'année au mes ya ya modal les chom fait naitou de nonze ya Zon de ver l'or ma treize nan. Ya pe kemeren dar kubelen e. Aya videre. Ami de la canne au mes quoi. Aya. Doliou kubel avec chou. Il est pas commode hein. Non. Le fange pas de couette hein. Non. Et alors on avait essayé de faire aboyer le chien aussi, le chien du bistrot. Ah mais je me rappelle pas. Ouais mais il était pas décidé ce jour-là. Voilà. Il y avait que le patron qui aboyait. Ouais. Iri. Il y a quelque chose qui revient toujours dans Interbrezonec, c'est la musique aussi. C'est la clarinette. Oui, la clarinette. Alors, moi, j'aimerais bien que tu nous sonnes quelque chose parce que tu as emmené ta clarinette. Ah oui, je vais jouer un Et petit Et puis, air. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'on entend comme air dans Interbrezonec? Ah bah c'est... Parce qu'il y a des gens aussi qui disent, ouais, c'est tout le temps les mêmes airs. Ah oui, c'est des airs de Christian, du disque de Christian Dureau, quoi. D'accord. Qui est un très clarinettiste grand. Très connu, ouais. Hein, donc voilà. Bon. Alors, qu'est-ce que tu vas nous jouer? Je vais jouer Ton de Riesg, hein, qui est un air qu'on appelle aussi Ton de Fab Necbroz. Hein. Voilà. Qui nous a rejoint pour les auditeurs qui nous voient rien. Salut Clément. Je m'attendais pas à ça du tout. Ah bah ouais, parce qu'on essaye de faire quelques surprises. Ouais. Et quand j'ai commencé à sonner puis que j'entendais de l'autre côté, je me suis dit il y a une nouvelle technique là que je maîtrise pas. Il y a de l'écho. Tu t'es dit que Bruno, le technicien de l'émission, depuis le début, hein, qui fait le montage de Interbrezonec, avait sans doute mis une nouvelle machine. Dans la voilà, salle de rédaction. Une machine à répondre. Excellent, mais voilà ce qu'il faut inventer. Je t'ai trouvé assez imperturbable quand même. Hein. Moi non plus, je comprenais pas ce qui se passait, j'étais plus stress, mais bon. Notre sonneur, Tudual, qui est ici. Alors Clément, c'est le partenaire de scène d'Henri, parce qu'Henri, il joue aussi la clarinette de manière très régulière. Est-ce qu'on peut donner un micro à Clément? Clément, peut-être. À Clément, oui. À Clément. Oui, bah oui, on fait quelques petites choses avec Henri. Oui, oui, on est depuis quelques années là. Maintenant. Et on n'est pas loin non plus. Hein, on n'est pas loin l'un de l'autre. Non, on n'est pas loin, non. Voilà. Non. Voilà. Ton Arézec, c'est un des premiers trucs que tu apprends à tes compères, Henri, ou pas? Non, Clément connaissait ça déjà. Hein, c'est en fait, c'est lié, puisque Clément est de l'Henrivin, c'est lié à l'Henrivin, puisque c'était une chanson Pierre Le Tertre, hein, donc qui était un chanteur qui accompagnait les mariages avant l'arrivée des clarinettes. D'accord. Et donc il avait une chanson, plusieurs chansons, dont celle-là, quoi. Qui était, c'est pas lui qui avait fait l'air, qui était fait par Favennec Bras, donc de Croix-Tasset, tout près d'ici, quoi. Il a existé, le Favennec Bras, ou pas? Ah bah bien sûr, oui. Mais peut-être qu'on lui prête un peu trop d'aventures, mais... D'accord. Mais à la base, il a existé, oui. Après, on a... je sais jamais comme si je dois prendre Henri, parce qu'il sourit. Non, il a vraiment existé, mais peut-être qu'on lui en rajoute quand même quelques aventures, oui. Voilà. Il est peut-être pas si héroïque et... Voilà. Oh, c'était un joyeux drille, en tout cas. Voilà. C'est lui qui avait appris la clarinette à l'armée. À l'armée, oui. Il était dans les artilleurs de Metz, hein, dans la musique des artilleurs de Metz. D'accord. Ça existe, ça? Oui, ça existe toujours. Ça existe toujours. Et il joue toujours l'air des artilleurs de Metz, qui a donné naissance à l'air de Favennec Bras après des modifications. Mais il était rentré du service à pied. Donc, de Metz, il a eu le temps de rechanger l'air et de faire. Ah oui! C'est lui qui avait découvert la clarinette. On lui avait donné cet instrument qu'il connaissait pas, et puis il était content parce que le soir même il avait réussi à sortir un plin. Ouais. Mais personne savait ce que c'était un plin. Non, à Metz, ils connaissent pas trop. Non. Mais c'était un joueur de pipeau au départ, quoi. De pif, comme on dit ici, quoi. Scolaire pifférienne. Voilà. Bon. Scolaire pifférienne, oui. Alors, on va réécouter encore un petit peu. Allez, peut-être Yann Baird qui a participé aussi assez souvent à l'émission. Et alors, vous allez vous rendre compte, peut-être, il y a un petit fond sonore derrière. Et après, je vous dirai comment ça se passait, ce fond sonore. Pendant ce compte, lui. Matré, il fique, matré. Vu du monde à Fesnonce. Ya, il fique. Lancement d'intro. Calze du zotan en salle. Mais dermat vêtu de ba Fesnonce en tolec. Aganam zan et kafal. Non, ne ce que de scorn war en douar, bon prête. À pigeon, dans l'eau. Ah, Yazur, clé voudrait, mon œuvre d'or mort va noir l'urne, à danse à l'rendu de Milardar. Alors, on entend les frères Morvan, derrière ta voix, Henri. Ouais. Et alors, moi, j'aimerais expliquer aux auditeurs comment on faisait pour faire ça. Henri venait avec un appareil à cassette, une cassette. Ouais. La taille, quoi, quelle taille, je sais pas, la taille d'un iPad maintenant, mais bon, c'était. Un peu plus épais. Et il le mettait sur la table à côté du micro et il appuyait sur la touche play, là. Ouais. Et c'était un son abominable. Mais c'était rigolo parce que c'était en même temps un vrai son. Oui, c'est un vrai son de Fesnonce. De Fesnonce. Avec des gens qui parlent, tout ça. C'était enregistré en Fesnonce, donc. Ouais. On a fait plusieurs trucages comme ça. Ouais, je crois bien que j'en ai un autre, tiens. On écoute. Salut l'œil, ma de au jeu. Aïe, ma trifique. Plus du zoo plus jade, urbain zanto, lec. Lance ma de au FSD. Ya, diwerzo, à calze du de zoo autant en salle. Alors Henri, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi Tleval? D'accord. Oui. Pareil, qui est mort en 95, je crois, oui. C'était les cassettes aussi, là. C'était les cassettes aussi, voilà. Oui. Enfin, là, c'est un CD, en fait. Non. Si, on était passé à la... C'est un CD, oui. C'est un CD. 95. L'étape supérieure. L'étape supérieure. C'était vraiment ça. Bon, bah, on a d'autres petites surprises derrière la porte, là, Henri. Alors, on va peut-être aller chercher un peu tout le monde. Et puis peut-être boire un coup. Et puis poser les micros, parce que là, on va arrêter l'émission. Ouais. Hein? Bah, oui. On doit être à la demi-heure, là. T'as Qu'est-ce peur qu'on... pour les micros si on boit ah un mais coup. Pas du tout. On peut laisser les micros ouverts, au contraire, ça peut être rigolo. Mais on va refermer peut-être l'émission Interbrezonec. On donne rendez-vous, comme d'habitude, aux 501. Auditeurs pour la 501. Interbrezonec, c'est le mercredi et le samedi. Voilà. Voilà. Première diffusion le samedi, deuxième le mercredi, Henri, ou alors je me trompe encore? Oui, c'est première diffusion le mercredi, deuxième diffusion le samedi. Le samedi après. Et il y a le mercredi à 22h aussi. Bon. Et pour Garuarvué en breton, Marie-Laure. C'est à 7h45 le mardi matin et à midi, rediffusion voilà. Le midi.